De plus en plus souvent, trop de jeunes nous quittent. Quittent notre belle terre. Les rêves et les projets sont balayés par le vent. Le soleil n'est plus le même. Et les étoiles sont différentes. Les désirs du cœur et l'amour de la chaleur lentement étanchent les larmes du désespoir. Nous ne voulions pas vivre dans la solitude. Dans le chaos du monde, où il est si facile de se perdre. Avec le chagrin, beaucoup de mauvais souvenirs reviennent. Que les cœurs se libèrent de la peur. Que les cœurs se libèrent de la peur. Sur la photo, la famille semble de plus en plus triste, terne et morne. Tu la contournes pour éviter ta présence et tu t'enfuis avec l'enfant pour échapper au silence de la maison. La porte est ouverte, mais plus personne n'y frappe, comme dans des murs creux, pour délivrer l'âme de la souffrance. Avec le chagrin, beaucoup de mauvais souvenirs reviennent. Que les cœurs se libère de la peur. Que les cœurs se libèrent de la peur. De plus en plus souvent, trop de jeunes nous quittent. Quittent notre belle terre. Les rêves et les projets sont balayés par le vent. Le soleil n'est plus le même et les étoiles sont différentes. Les désirs du cœur et l'amour de la chaleur lentement étanchent les larmes du désespoir. Nous ne voulions pas vivre dans la solitude, dans le chaos du monde où il est si facile de se perdre. Avec le chagrin, beaucoup de mauvais souvenirs reviennent. Beaucoup de mauvais souvenirs reviennent.